You're listening to Broom FM and Bon à part. Tout le monde a reconnu bien sûr IQ, extrait de leur superbe The Wake. Et c'est un morceau inédit qui figure uniquement sur le laser, et c'est notre premier laser sur bande à part. C'est dans le parc du Château Noir, et oui, en français dans le texte, donc IQ. Auparavant, on a eu le bonheur d'entendre Mugen, un extrait de The Princess of Kingdom Come, c'est-à-dire donc la princesse du royaume venu. Et bien après, donc déjà vu. Et oui, en français dans le texte, une fois de plus, avec Baroque in the Future, donc Baroque dans le futur, c'est aussi japonais, et ça date également de 88. On change carrément de continent, on va se balader un petit peu du côté du Chili, et oui, car du côté du Chili, il se passe aussi des choses au niveau du progressif. Certes, mélangé un petit peu avec Los Incas et flûtes et autres flûtes péruviennes, mais vous allez voir, c'est de toute beauté, et c'est une première également sur bande à part. Los Jaivas. Thank you. conversación abierta entre los almacenes y los silbidos, el cual de sus movimientos metálicos viví lo indestructible, lo imperecedero, la vida. Entre la atroz maraña arcilla se convirtió en arcilla, y cuando los pequeños párpados se cerraron, llenos de ásperos muros, poblados de castillos, y cuando todo el hombre se enredó en su agujero, quedó de esa actitud enarbolada, el alto sitio de la aurora humana, la más alta vasija, que contuvo el silencio, una vida de pie. Los Jaivas, c'est donc ces Chiliens, c'est de 84, les auteurs de Machu Picchu, donc extrait d'un de leurs albums disponibles et enregistrés en France. J'ai donc parmi mes invités une personne qui a assisté à un des concerts de Los Jaivas. Je voudrais qu'elle me donne quelques impressions de ce concert. Bah, disons que Los Jaivas, c'est un groupe chilien qui était en exil en France dans les années 80. Ils ont produit des disques en France, en Chili, au Chili et en Argentine. Et je les ai vus, en fait, pour vivre, ils donnaient des concerts de musique des Andes. Et puis, subrepticement, en seconde partie, ils glissaient leur progressive rock très original, mêlé justement de musique des Andes, très très belle. Et j'avais vu ça dans la banlieue de Limoges. Ils tournaient à peu près partout en France, mais ils sont restés parfaitement inconnus. Enfin, vraiment, c'était le groupe galère typique, quoi. Ça n'a absolument rien à voir, la transition est affreuse, mais on n'a pas honte de le dire. André-François, est-ce que tu peux nous donner quelques lignes directrices à propos de Yellow Submarine? Bon, ce titre, moi, me fait penser tout de suite aux Beatles. Est-ce qu'il y a une connexion avec? Explique-moi un petit peu quel est ce fanzine, quel est son but. Bah, disons que Yellow Submarine, non, ça n'a rien à voir avec les Beatles, c'est juste un titre que j'ai choisi comme ça. Mais effectivement, en dehors d'Acid Dragon, le fanzine de Progressive Rock, je fais aussi, et depuis 7 ans, fanzine de science-fiction, d'actualité, d'informations sur la science-fiction qui se nomme Yellow Submarine et qui vient de fêter là, l'entrée dans la 7e année de publication avec un gros numéro 60. Alors ça c'est quoi? C'est le France Dimanche de la science-fiction, c'est les petits potins, c'est des chroniques littéraires, c'est des extraits de nouvelles et de textes à paraître. Qu'est-ce qu'il y a dans Yellow? Bah, il y a essentiellement des articles d'actualité, par exemple des reportages sur tel festival ou sur le tournage du film de Clive Barker ou des trucs comme ça. Il y a aussi beaucoup de critiques de bouquins, des informations sur ce qui va paraître, des programmes de publication des différentes collections françaises et ce qui se passe à peu près dans le monde anglo-saxon et français en science-fiction, quoi. Plus, bon, il y a quelques articles de fond sur, par exemple, l'ordinateur dans les maisons, dans les métiers de l'écriture, ou des comparaisons entre deux bouquins, et puis il y a énormément d'interviews, quoi. C'est uniquement du rédactionnel et uniquement de l'actualité sur la science-fiction. Question bateau, où peut-on se procurer Yellow Submarine? Très exactement, sur Lyon, Yellow Submarine est disponible à la librairie Temps Livre, 8 rue d'Algérie, oui, qui est la place hétéro. Voilà, qui vend également Harmonie, Acid Dragon. Enfin, voilà, c'est une des places importantes pour tous les fanzines tout sur Lyon. Tout à fait. Et puis, c'est disponible dans quelques librairies à travers la France et par correspondance. Tu peux donner tes coordonnées, pas de problème. Oui, par correspondance, donc à mon adresse, André-François Ruault, 245 rue Paul Bert, Lyon 3e. C'est la même adresse de toute manière qu'Acid Dragon. Très bien. Je rappelle le numéro de téléphone 78 89 45 05 pour toute demande de renseignement, injure ou félicitation, pourquoi pas. On continue avec quelque chose que vous connaissez certainement. En tout cas, on demandera à nos invités de deviner, ce sera pas très très dur.